الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا وهي كثيرة لا تحصى نعمة الأخوة Allah Azza wa Jal. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est هذه الأخوة الإيمانية, أي la fraternité بالله, aimer son frère في الله عز وجل. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدرى عز وجل أين المتحابون بجلالي وهو أعلم بهم عز وجل وهو العليم لكن pour montrer فضل هؤلاء المتحابون بجلال أي ceux qui se sont aimés في الله عز وجل pas pour quelque chose de dunya pas pour un profit personnel لا يحبه لله عز وجل وفي الله سبحانه قال أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي هذه هي أو هذا هو جزاء هؤلاء لا récompense de هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى les abritera تحت ظله sous son ombre عز وجل يوم لا ظل إلا ظلي أي cette ombre que الله سبحانه وتعالى يكرر يوم القيامة فهؤلاء ils seront protégés préservés لماذا c'est quoi la cause المتحابون بجلالي ils se sont aimés في الله سبحانه وتعالى هذه الصفة هذه العبادة العظيمة أي s'aimer entre frères on ne doit pas la négliger لا لماذا لأن la récompense elle est énorme et كذلك beaucoup de أدلة من الكتاب من السنة كي موطر كندوى سمي في الله عز وجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلوة الإيمان trois caractéristiques celui qui les possède من علامة أنه إلى un إيمان قوي Trois caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Celui qui a ces trois choses, il va goûter à halawat al-iman, la saveur de l'iman, de la foi. Qala alayhi salatu wa salam, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Et ça c'est asluddin wa qa'idatuhu, hubbullah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est la base de notre religion. Aimer Allah subhanahu et aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aimer ceux qui aiment Allah azza wa jalla et son prophète alayhi salatu wa sallam et détester ceux qui détestent Allah et son messager alayhi salatu wa sallam ça c'est la base de notre din c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité ce point en premier thumma qala alayhi salatu wa sallam wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah deuxième caractéristique annahu il aime Son frère, pourquoi Lillah Azza wa Jal. Qala, wa an yakrah an ya'ouda fil kufr. كما يكره أن يقذف في النار. إيه نعم. Et il a peur, il craint, il déteste de retourner fil coffre comme il détesterait qu'on le jette dans le feu. هذا القلب حي. Ce cœur, il est vivant. لماذا لأن هذا الشخص il aime Allah عز وجل, il aime son messager صلى الله عليه وسلم, il aime ses frères مؤمنين, il déteste le coffre ou le kafiri. الحديث il est في الصحيحين. فمن المهم إخواني في الله تحقيق هذه الأخوة الإيمانية. C'est très très important de faire des efforts pour haqqa. Et comment faire pour aimer son frère عز وجل? C'est quoi les choses qui vont nous aider à s'aimer entre nous? محبتن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. Pas pour des intérêts, pas pour des profits. Abadan. Il y a des choses qui vont aider à parfaire cette mahabba. Il y a des choses كذلك qui vont diminuer cette mahabba, être la cause. ربما أن هذا الأخ il n'aime plus son frère ou il le déteste. عيادا بالله. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمن أخو المؤمن. Le croyant c'est le frère du croyant. Le musulman c'est le frère du musulman. هذا المسلم il a des حقوق. Il a des droits عليك. Tu dois avoir un comportement par rapport à ce mu'min. Et Inch'Allah, on va essayer de citer plusieurs points qui vont nous aider. Inch'Allah, on nous Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadaq de faire des efforts fi hadha al-bab. Et kadhalik de faire attention aux choses qui font du mal à hadhihi al-ukhuwa, cette fraternité. Qui est cité dans plusieurs hadiths, dans plusieurs versets, et on en a cité quelques-uns. On doit tout faire pour la préserver. Et pour la préserver, لابد من علم. Pour la préserver, لابد de faire des efforts, de connaître c'est quoi qui va augmenter cette mahabba, de connaître c'est quoi qui va faire du mal à cette mahabba, حتى on s'en écarte. فكلما الإنسان il est à la علم, il fait des efforts pour connaître, pour apprendre. Ça va lui faciliter بإذن الله عز وجل l'application de ces points. واعلموا حفظكم الله أن هذه الأخوة والمحبة c'est pas مجرد باللسان أو دعوة, une prétention فقط. ثم الأعمال تخالف اللسان, هذا يضر, ça fait du mal à l'insan, prétendre aimer ses frères إلى آخره. ثم تنظر في أعماله ومعاملاته. Comment il se comporte avec ses frères. ربما ضرر. Et ربما un manque de sérieux. Et ربما des choses qui font du mal à ses frères. On essaye de faire des efforts. نتعلم. On apprend. أولا. Et كذلك on met en application. Et tout ça لله. Pas pour pas pour satisfaire Foulan ou pas pour un bien de dunya, tout ça, لله عز وجل. لماذا؟ لأن la récompense, elle est énorme. قال عز وجل اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Ce jour, يوم القيامة, le soleil sera très très proche, comme on a déjà détaillé, ولله الحمد, dans plusieurs kalimat. Et l'insan, il sera في تعب. Ça sera très très difficile, sauf pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il rend cette épreuve facile. Et le soleil sera très très bas, et il n'y aura pas d'ombre, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi. Et parmi ha'ula, al-mutahabbuna fillahi subhanahu wa ta'ala. Dans cette difficulté, ce jour, qui sera très dur, très long, ha'ula, ils seront taht. ظل الرحمن سبحانه وتعالى. Parmi ces points qu'on peut citer, أولا التعاون على الخير. Et parmi les fruits, parmi les حقوق que ton frère il a sur toi, et les fruits de cette mahabba, de cette fraternité, التعاون على الخير. S'entraider dans le bien. قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمر من الله, c'est un ordre qu'on doit s'entraider avec nos frères fil bir, fil taqwa, fil khayr. Amma dans le mal, fala yajouz. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wallahu fi auni l'abd, ma kana l'abd fi auni akhira. Fata'ammal hada l'hadith. Anna si tu es ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala il t'aidera. Il t'aidera quand tu seras dans la difficulté, fil dunya. Wa a'zamu min dhalik, la difficulté, la plus grande difficulté dans ta tombe, akhi al-karim, quand tu seras seul, yawm al-qiyamah, quand tout le monde sera rassemblé nu, pieds nus. Wa la yanfa' yawma idhin illa al-amal as-salih. Et celui bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala il acceptera hadhihi al-a'mal. Dans cette difficulté, si tu as aidé ton frère fi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala il t'aidera. Allahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Wa hadha at-ta'awun, c'est pas qu'avec l'argent, ya ikhwa. La shaka anna at-ta'awun qad yakun bil mal, tu peux l'aider financièrement. Lakin tu peux l'aider avec beaucoup d'autres choses. Wa min a'zam ma yuta'awun fihi, c'est ad-din, al-ilm, al-amal as-salih. Tu aides ton frère, il a besoin d'apprendre maintenant la langue arabe, tu lui donnes du temps. La tazun, elle a ce temps. Hakada, il n'a pas de valeur. Oh, tu ne seras pas récompensé. Wallahi, kullama tajlis, bien sûr, avec cette niya. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour qu'on dise, anna fulan, il fait. La, c'est l'Allah, azza wa jal. Hada, Allah subhanahu wa ta'ala, yu'inuh. Peut-être un jour il est touché par une épreuve, une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala il l'élève, il le secourt, la cause annahu ta'awana ma'a akhi. Celui qui a le qudra, qui a des bases, qui a la capacité d'aider ses frères fil ilm, ou كذلك التعاون معهم في الدعوه, wa كذلك التعاون معهم dans des choses de dunya, si un frère est en difficulté, il a akhiré, هذا من افضل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Celui qui facilite à son frère il est fait chida. Courba c'est une difficulté, peut-être un problème financier, peut-être une maladie, مهم il est fait dire. Et هذا الأخ il aide ce frère fillah azza wa jalla, pas pour autre. Fa Allah subhanahu wa ta'ala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith nafasa Allah anhu, nafasa ay Allah subhanahu wa ta'ala lui allège, lui facilite kurbatan min kurab yawm al-qiyama, une difficulté de yawm al-qiyama elle sera allégée par rapport à son entraide avec son frère. Ama baluk, celui qui aide ses frères kathiran et souvent, et l'Allah Azza wa Jal, combien de difficultés, yawm al-qiyama, bi-idnillahi Azza wa Jal, il sera secouru, sauvé, préservé par Allah subhanahu wa ta'ala pour cette entraide. On ne va pas négliger hada. Qala alayhi salatu salam, wa man yassara an mu'sirin, yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhir. Fi dunya, celui qui a facilité à son frère une chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera fi dunya. Et كذلك fi l'akhira. Et fi l'haqiqa, on recherche tout ça. La facilité fi dunya, que ce soit min hayth al-ilm, ou l'amal salih, ou que notre foi elle monte, ou hatta fi dunya. Risque, avoir des enfants, il a akhiré, être en paix, avoir le bonheur. Une des causes, elle est citée fi hada al-hadith. Facilite à ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera, comme dans هذا الحديث et dans صحيح مسلم. وعن عبد الله بن ابي قتاده رضي الله عنهما ان ابا قتاده طلب غريما له فتوارى عنه. ابو قتاده رضي الله عنه il avait emprunté de l'argent à un frère, son frère musulman. ثم يوم من الايام طلبه بالمال قال فتوارى عنه. Il l'a retrouvé et il lui a demandé son mal. Il lui avait prêté, il doit le rendre. هذا المسلم إلى دع son frère أبو قتادة رضي الله عنه أنا معسر. Ça vient de l'usr, et je suis en difficulté et je ne peux pas te rendre الآن ton argent. هذا ça arrive. لكن تأملوا موقف هذا الصحابي رضي الله عنه. قال الله هذا من جهة السؤال. أي est-ce que tu es vraiment en difficulté? Il a répondu, celui qui est en difficulté, Allah, ay na'am, je suis en difficulté. Faqala Abu Qatada, fa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man sarrahu an yunjihu Allah min kurab yawm al-qiyamah, fal yunaffis an mu'sirin, aw yadha'ana. Celui qui espère Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite yawm al-qiyamah, qui facilite à son frère qui a une dette. Imma il lui efface, imma et il lui allège, il lui repousse le temps, ou matalan il lui divise en deux. Al-muhim yusa'id akhi. Hada al-mal fi al-haqiqa, peut-être que c'est pas forcément que ça soit une grosse somme là, lakin ta'lamoun anna celui qui est endetté, c'est très difficile. C'est des soucis, c'est des problèmes. Les dettes, ça pèse sur l'insan. La récompense, elle est énorme. Et ça peut être, même si c'est une grosse somme, ça reste de l'argent. Celui qui a cette quoi, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. Et il allège à son frère, imma il lui donne plus de temps, imma il lui divise la dette en deux, imma il lui efface complètement, et c'est a'zam, il aura cette récompense bi'idnillahi azza wa jalla. Le hadith il est fait sahih. Muslim. فالتعاون على الخير c'est مهم. Et ça fait partie des causes qui augmentent هذه المحبة. Et en réalité, l'insan, le mu'min, quand il est en difficulté, c'est là qu'il doit trouver ses frères. Amma l'égoïsme, chacun pense qu'à lui. Et s'il est firaha, fa alhamdulillah, il ne voit plus personne, il ne renseigne plus sur personne, il aide plus personne. هذه c'est pas min awsaf as-salihin. On fait des efforts fi hada, fa at-ta'awun fi khair. Et en réalité, c'est bénéfique pour toi fi dinik wa dunyak. Tu profiteras si tu aides les autres dans ton din, tu verras plusieurs portes s'ouvrir, et kadhalik fi dunya, des portes s'ouvrir. Thaniyan ay min ath-thamarat fi al-ukhuwa billah التناصر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحديث اللي في الصحيح. فالمسلم يفرح بنصرة أخيه، خاصة أن المؤمن إلى بعد من الكفرة والمنافقون والجهل الفسقة وأهل البدع. Comme min ahda. Beaucoup de gens ils veulent faire du mal à ce mu'min, khasatan si c'est un salih, khasatan s'il a du ilm, khasatan idha nafa'a an-nas bi'idhnillahi azza wa jalla. Comme min an-nas ils veulent faire du mal à ce mu'min qui est pieux, qui avance dans son din ila akhir. Si quelqu'un lui fait du mal, nusratuhu, ay le secourir, l'aider bi'idhnillahi azza wa jalla, c'est très très important. Kadhalik dans ce point, on ne doit pas faire preuve d'égoïsme. بعض الناس يسعى على هذا المبدأ j'ai pas de problème الحمد لله ربما son frère il souffre ربما son frère il a accusé بغير حق ربما son frère il subit des énormes injustices et où il peut intervenir ولو بالكلام. Peut-être que tu vas dire une phrase un mot à ton frère, ça va le soulager ولو بالدعاء. On n'oublie pas الدعاء في هذا الحال. Faire الدعاء pour ton frère, faire الدعاء pour tes frères musulmans qui sont opprimés. Et si on ne peut pas faire plus, fa du'a, alhamdulillah, viha khair kathir. Fa nusratu al-ikhwan, c'est muhim. Et ça, ça montre, c'est un fruit tayyib de cette fraternité. Na'am, l'anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, la yu'min wahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Est-ce que toi, tu aimes les injustices? Tu aimes qu'on te fasse du mal, qu'on t'accuse, qu'on t'insulte? Abatan. Fa tu dois aimer pour ton frère la même chose. Si quelqu'un lui fait du mal, si tu peux intervenir, interviens. Lillah Azza wa Jalla. ثالثا التناصح سو كونساي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحديث لك جابر رضي الله عنه يغفر أنه il a prêté allégeance au prophète alayhi salatu salam al-bay'a sur ces points: de faire la salat, de sortir la zakat et de conseiller chaque musulman. Et c'est sa chair. Ton frère, il a haq sur toi. Ton frère, peut-être qu'il a une faiblesse, peut-être qu'il a, il s'est précipité sur une chose, peut-être qu'il a un manquement dans une chose. Ton nasiha. M'a critiqué par derrière, derrière le dos. Ne pas l'informer comme il y a fait le ba'd ou le délaisser. Aïna, هذه المحبة وهذه الأخوة. C'est pour ça que on a dit au départ, cette fraternité, ça ne doit pas être qu'avec la langue ou une prétention. Là, ton frère, il a besoin de toi. Si c'est pas toi qui le conseille, qui c'est qui va le conseiller? C'est les ennemis de l'islam. C'est ceux qui détestent le din. C'est ceux qui détestent le sunnah qui vont le conseiller. Si c'est pas ses frères qui le conseillent. وقال الإمام ابن باز رحمه الله كما في الفتاوى: فأخوك من نصحك وذكرك ونبهك، وليس أخوك من غفل عنك وأعرض عنك وجاملك. تأملوا كلام أهل العلم. الشيخ ابن باز رحمه الله إمام من أئمة المسلمين. يكون لا فالور يكون رحمة الله عليه لا فالور دو النصيحة. أي démontre هنا أن ton frère c'est celui qui te conseille, qui te rappelle à l'ordre, qui te montre. Ton frère, c'est pas celui. Quand on dit ton frère, ça ne veut pas dire que c'est pas ton frère s'il ne le fait pas là. Lakin ton frère qui te veut le khayr et qui va être utile, bi'idhnillahi azza wa jalla, pour toi, c'est celui qui te montre tes erreurs. C'est celui qui te corrige quand tu faiblis. C'est celui qui te montre quand tu te trompes. C'est celui qui te conseille quand tu as besoin. Amma al-mujamala. Al-mujamala. Qala Shaykh ibn Baz, wa jamalak. Ça vient du mot al-mujamala. Al-mujamala, c'est. Comme Nakoul Nahnou, ne pas le froisser, lui dire que ce qu'il veut entendre. Wabardanet, ils sont à la hada. Et Kazir min Haoula, Yadam Billah, ils ont plusieurs visages. Faroubam Moujam, à même chasse, et par derrière, Ta'anoun, Wassaboun, Wassatmoun. Ah, là, il meurt. Là, Nahnou, on n'a pas besoin de Moujam, là, de dire, on dit ce que notre frère il veut entendre. Là, Ahyanan, on doit dire des choses, même si ça le dérange. Maintenant, il a eu un manquement dans telle chose. Maintenant, il a des faiblesses dans telle chose. Maintenant, il ne fait pas d'efforts dans telle chose. On lui dit, même Obama, ça va le gêner au départ. Peut-être qu'il va le prendre mal. Lakin, c'est pour son bien. Enfin, celui qui conseille, il doit conseiller avec cette intention. Et celui qui reçoit le conseil, la bout kadalik an yattaqillah. Ya akhi, si ton frère te conseille, il veut ton bien. Wa illa, qu'est-ce qu'il va gagner? Obama, il va te conseiller et tu vas mal lui répondre. Enfin, ça montre annahu, il s'engage à parler. Même Obama, ça peut lui faire du tort. Mais Allah, il veut ton bien. Parce que l'imam, celui qui te conseille, dis-lui, barakallahu fik. Et on ne rentre pas dans les cœurs. Kama yaf'al al-ba'd. Il m'a conseillé parce que, là, prends-le, zahir, c'est mon frère, il m'a conseillé. Je prends sa nasiha, si bien sûr elle est fondée sur l'ilm et l'haq. Et s'il a une mauvaise intention, il se fait du mal qu'à lui-même. Qala Shaykh ibn Baz, rahimahullah, walakin akhak fil haqiqa huwa alladhi yansahuk. ثم قال يبين لك الطريق طريق النجاة حتى تسلكه ويحذرك من طريق الهلاك ويبين لك سوء عاقبته حتى تجتنبه. هذا هو الأخ المفيد pour toi, un frère dont tu vas profiter بإذن الله عز وجل. Il va te montrer même quand ça dérange. Et c'est pas que في الدنيا, لأن البعض quand c'est في الدنيا ils acceptent. Atalan, il te montre un danger ou il te montre une astuce pour éviter de payer telle chose. Yafrahoun. Quand c'est fait din, va. Ta'khudhum al-izzatu bil-ithm. Voilà, là, il juste. Al-din, c'est anfa. Ton frère qui te conseille fait din. Atalan, applique cette sunna. Délaisse cette bid'a. Délaisse ce péché. Fais ta salat. Sors zakat. Apprends ton din. Il veut ton bien. Léana, si tu fais ces choses. Et idnallahi azza wa jalla, tu rentreras fil jannah. Fait ton frère, il veut pour toi al-jannah. Allez, mat à le prendre mal. Tout revient à l'intention. Ton frère qui te conseille, c'est une ni'ma. Et c'est ce genre de frère qu'on doit côtoyer. Ceux qui nous conseillent. Amma, ceux qui disent que ce que tu veux entendre, ils ne veulent pas te froisser. Rubama, tu prends une voie, un chemin qui te fera beaucoup de mal. Et il se tait, il ne te montre pas. Hada, c'est pas min al-nusah, hada, c'est min al-khiyana. وما أجمل ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى أملوا هذا الكلام المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى et compare المؤمنون à deux mains أنت avec ton frère c'est comme deux mains. Une de ses mains va laver l'autre. Ce lavage, c'est le masiha, c'est le conseil. Mais il y en a cette main, il y a une impureté, il y a une saleté, il y a quelque chose qui a une mauvaise odeur. Enfin, l'autre main, elle la nettoie. Hakada al-mu'min avec son frère. Hiyanan, on fait des choses et on n'est pas maçon, on a des faiblesses. Peut-être que tu emploies un mot qu'il ne faut pas. Peut-être que dans une adoration, tu n'es pas sérieux. Peut-être que tu fais un interdit. Enfin, ton frère, cette chose qui te fera du mal, fait dunya ou l'akhira, si tu ne délaisses pas, il veut essayer de te l'enlever. Comme on enlève une saleté. Qala, rahmatullah alayhi, wa qad la yanqati' al-wasakh illa bi naw' min al-khushuna. Et ahyanan, cette main qui veut nettoyer l'autre, pour enlever la saleté, il faut frotter. Et quand tu frottes sur cette main, Obama, ça lui fait du mal. Et هذا أحيانا لا بد منه. Et نستفيد نحن من هذا أن on fait attention à Shaytan de ne pas rejeter un nasiha d'un frère ou d'un professeur ou d'un cheikh. Il a eu un langage assez dur ou il a eu des mots. Obama, il aurait pu être plus doux. Là, celui qui te fait le conseil, كذلك c'est un bachar. Peut-être que ça lui fait du mal. Peut-être que ça lui fait du mal ce que tu fais et il veut te montrer. Et peut-être qu'il emploie une certaine manière. N'oublie pas cet exemple. C'est comme une main qui va frotter sur l'autre. Regarde le résultat. Et tu dis à ce frère, barakallahu fik. Ça montre qu'il t'aime, fillahi azza wa jal. Qala shaykh al-islam, lakin dhalika yujib min al-nadafa wal-nu'uma ma nahmad ma'ahu al-takhshin. Shaykh al-islam, il conclut, rahmatullah alayhi, anna même s'il frotte fort, même si ça te fait mal, le résultat c'est que cette main sera propre. Et même s'il y a eu un frottement assez dur, une fois que ta main elle sera propre, tu seras satisfait. Ton frère il te montre, alhamdoulilah. Et là, celui qui fait le nasiha, il doit essayer d'être doux. Il doit faire des efforts pour parler avec sagesse, bil hikma. Mais on est des êtres humains. Hiyanan, ça arrive. Le grand frère avec le petit frère, le professeur avec l'élève, le cheikh avec le talib, ça arrive. Et il n'y a rien de mal. Le mal, wallahi, c'est celui qui voit et qui ne te conseille pas. Mais celui qui te conseille, alhamdulillah, mais le hawa et la fierté, ça nous, c'est comme un voile et ça nous empêche d'accepter. Tant qu'il parle du haq, il est à la khayr. Et celui qui accepte, il est à la khayr. Wa qala al-Hasan al-Basri, rahmatullah alayhi. إخواننا أحب إلينا من أهلنا هؤلاء حسن البصري من أئمة السنة من أئمة السلف يكونسيل امبورطونس النصيحة يكونسيل لا فالور دو النصحاء الناصحون فيقول أو قال رحمه الله إخواننا أحب إلينا من أهلنا أي نفخر من طلبة العلم والمشايخ والعلماء إلى آخره إنهم sont préférables à nos familles. لماذا قال إخواننا يذكروننا بالآخرة وأهلنا يذكروننا بالدنيا. Nos frères nous rappellent l'akhira et nos familles nous rappellent que le dunya. انظروا هؤلاء le niveau qu'ils ont atteint c'est بعد توفيق الله عز وجل c'est بهذه الأخلاق. Ils reconnaissent le khayr. Celui qui reconnaît le khayr même s'il a des faiblesses il avance pas. Quatrièmement التزاوج أي من ثمرات الأخوة في الله عز وجل التزاور أي سرون فيزيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله وجبت محبة الله Et celui qui fait ces choses, Allah il l'aimera. Voilà but. Wa'dun min Allah. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité Al-mutajalisina, ou qabla dhalik, al-mutahabbina fiyya. Et ceux qui s'aiment fillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il les aimera. Kadhalik, al-mutazawirina fiyya. Et en fait, nous avons du taqsir fiyya. Nous c'est pas. Ne pas comprendre, là, c'est iyadatul marid. C'est important. Lakin, là, c'est une ziyara, même s'il n'est pas malade. Khassatan, quand au bout d'un certain temps, on ne le voit plus. On ne le voit plus au masjid, on ne le voit plus au doros, on ne le voit plus dans la rue, alors qu'on a l'habitude de le voir. Al-ukhuwa al-imaniyya, la fraternité, ça doit nous pousser à voir ce frère, l'imam, on ne le voit plus. Pas, iyadan billah, kama yaf'al al-ba'd, pour le critiquer, en profiter. Là, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Et ziyaratun fillah. Et même si ce n'est pas le cas qu'on vient de citer, at-tazawur, c'est muhim, se rendre visite de temps en temps, c'est très très important. Ça fait monter l'iman et c'est une cause. Allah Azza wa Jal yuhibbuna. On fait attention kadalik à ce que Iblis il essaye de propager entre frères. Allah, je ne le visite pas, les Allah, il ne m'a pas visité. La ziyara, elle est villa ou elle est pour lui? Elle est pour lui. Si on ne le visite pas, il ne visite pas. Mla, c'est pas comme ça, Akhil Karim. Qala alayhi salatu wassalam wal mutazawirina fiyya. Oh, c'est Qawlullah Azza wa Jal. Hadith Qudsi. Wal mutazawirina fiyya. C'est pas pour toi. Même si tu n'as pas rendu visite, rends-le visite à Allah. Amma, on attend. Et ça, c'est min harb Iblis ala al-mu'min. Ba'aduhum hatta leur famille. Il y a une coupure, iyadan billah. Ils se visitent plus. L'imana, l'anna, tu conseilles Hada, il te dit, lakin, il m'appelle pas, il vient pas me voir. L'autre, la même chose, et ils se voient plus. Hatta rubbama, wahid minhum yamut ala hada al-had. Pourquoi? L'anna, il y a une faiblesse. Fi tahqiq hadihi al-ukhuwa. Même s'il m'a pas visité, je le visite, fillah azza wa jal. Et j'espère la récompense. Et s'il a eu des faiblesses, le fait que tu lui visites, c'est une da'wah. Tu lui rends visite, c'est une da'wah. Ben, on ne doit pas faire les erreurs que les autres y font et réparer l'erreur avec l'erreur. كذلك من الأمور المهمة العفو والصبر على أخيك. Pardonner et patienter avec ton frère. يقول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ أي ceux qui retiennent leur colère. وقال عز وجل والعافين عن الناس ceux qui pardonnent aux autres. Et ton frère c'est من أحق الناس لهذا. Est-ce que ton frère il est infaillible, il est ma'soum là? Est-ce que ton frère il peut se tromper là? Est-ce que ton frère il fait des erreurs? Na'am. Est-ce que toi كذلك tu fais des erreurs? Na'am. Il n'y a aucun problème, ton frère il a fait une erreur, al-amr sahl. Bien sûr, tant que ce n'est pas une erreur qui fait du mal au din et il appelle à du shor, on parle des choses, ça arrive à tout le monde. Fal'afu, qala sallallahu alayhi wa sallam, ma zadallahu abdan bi'afun illa izzah. Tu veux al-izzah, et qu'Allah t'élève fi dunya, pardonne à ton frère. Le fait de pardonner, ce n'est pas une faiblesse, comme yadhunnu al-ba'd. البعض تأثروا بالكفار أو ببعض الفاسقين و certaines choses qui contredisent السنة certains sports certains عياذا بالله ils ont cette culture d'avoir le dessus et de ne rien lâcher et pour eux c'est de la شجاعة. هذا ça c'est de la faiblesse من أشد البعض. أما القوي c'est celui يمسك نفسه والكاظمين الغيظ. Et si son frère il s'est trompé et son frère il a une faiblesse, il n'en profite pas. Ben il lui pardonne. Il y en a demain peut-être que Anta, tu auras fait une erreur et ton frère, tu voudras qu'il te pardonne. Et kadhalik, on n'oublie pas. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait du bien aux autres, Allah il lui fait du bien. Celui qui pardonne aux autres, Allah il lui pardonne. Azza wa Jalla. قال من أراد أو من زاد ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. التواضع entre nous, être humble, être modeste. Celui qui est humble, modeste envers son frère, ولا يتكبر Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève pas. Même si ton frère il a des faiblesses, même s'il a moins de science que toi, même s'il fait des erreurs plus que toi, même s'il fait des péchés plus que toi, ça reste ton frère, al-mu'min. Et anta, qui c'est qui t'a donné ce ni'am? Peut-être que tu apprends plus que lui, peut-être que tu es plus sérieux que lui. Pas vain, tu penses que c'est tes efforts personnels? Ah là, c'est un khata kabir. C'est que des asbab, Allah il guide qui il veut. Ces efforts que tu fais, ça aurait pu être ton frère. Allah il t'a choisi, fahmadillah, wa tawadha' li khalqillah. Être modeste, Allah il t'a facilité, fahmadillah, et essaye d'aider ton frère. Fala tuhasib, et ça c'est muhim, fala tuhasib akhik ala kulli saghira, comme ils vont le voir. Tout ce que son frère il veut, c'est noté et muhasib. Et ahyanan, son frère lui demande pardon, il n'accepte pas. Le mu'min, il doit être layyin, sahl. On essaie d'être dur envers nous-mêmes, na'am. Amma avec les autres, la base, c'est rifq. C'est la douceur. Amma, on veut prendre. Alors, on veut que nos fréquentations ne font pas d'erreur, tu resteras tout seul. Al-awam, ils ont des erreurs, fil majid. Chez toi, il y a des erreurs. Dans ton foyer, il y a des erreurs. Dans la rue, il y a des erreurs partout. Beaucoup de personnes font des erreurs. Ah, ça t'aime à notre époque. Époque de jahl et de fitan. Falihada, wa'ad al-ulama, wa minhum Sheikh Abdel Aziz, bin Baz, rahmatullah alayhi. Qala anna hada, hadihi al-ayyam, hada al-zaman, c'est zaman al-sabr wa al-rifq. Pourquoi? Il y en a kathira min al-nas, ils se sont écartés de la sunna. Et il y a beaucoup de fitan. Beaucoup avec les nouveaux moyens de technologie, les téléphones, ça a ouvert un bain de fitna. Et les gens ils sont occupés, ils n'ont plus de temps pour appliquer, pour apprendre. Allah, tu fais des efforts, tu essayes d'apprendre. Essaye d'être une clé pour Haoula, une lumière pour Haoula. Les vieux masakins, ils connaissent rien, ils aiment le khayr. Et tu trouves mu'amala ka'annahum, ils font partie de al-jahmiya ou de rawafid. Les musulmans, c'est min awam ahl-sunna, ils aiment le khayr. Mais kam min umur, combien de choses ils ont vécu que nous on n'a pas vécu, et ça les a rendus rubama hakada, ils font attention, ils écoutent plus. Nous, avec le bon comportement, avec l'ilm, et on essaye de propager cette sunna billati hiya ahsan, yahsul khayr azim. Et tawadhu, on ne doit pas oublier d'où qu'on vient. Ahyanan, ces vieux qui sont critiqués, rubama ils allaient au masjid, nous, Allahu a'lam, on était où? Faut pas oublier ça, faut pas oublier le khayr. Peut-être que ce masjid que tu côtoies, c'est eux qui ont été la cause. بعد توفيق الله عز وجل. Alors rentrez. Et celui qui ne veut pas, يعاند et déteste الدين, فهذا, c'est un autre موقف. Lakin on parle à l'asl. La base, c'est هذا. Et vous verrez qu'avec cette façon d'aborder les choses, de se comporter, il y aura beaucoup de khayr. أما بين الإخوة, بين طلبة العلم, فسلم باب أولى. Ton frère, il se trompera, tu te tromperas. Oublie, on doit avoir ça, oublier. Amma al-ba'd, comme tu le sais, tout est noté. Probablement une kalima, elle est notée. Et le mushkila, s'il veut ton bien, normalement, il te conseille là des dossiers, le jour où ça ne va pas. Et yakhrujun, t'as dit kada, t'as dit dans tel dans ce kada, tu as fait kada, on t'a vu kada. Les madas, vous n'avez pas conseillé. Peut-être que le frère, il serait mort avant. Peut-être que le frère il aura accepté au départ, mais cette tariqa elle fait du mal. Celui qui aime le khayr, qui veut le khayr, il doit être juste. Et on n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala yara al-jami'. Allah il voit tout, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Subhanahu. Kadhalik, et on l'a cité laquelle on le répète, at-taghaful. Taghaful, vous connaissez le mot rafla. Alors, rafla c'est l'insouciance. At-taghaful c'est il faut fermer les yeux sur certaines choses. Papa, ton frère, un jour, il a dit une kalima. Qu'il ne fallait pas qu'il dise. Il y a Akhi, ferme les yeux. Mais si tu veux revenir sur tout, peut-être que lui, sa fierté, elle va l'empêcher de revenir. Peut-être que Anta, tu veux rien lâcher. Et Shaitan, il vous dit. Ferme les yeux. Une kalima, il a dit. Khalas. C'est comme s'il n'a rien dit. Tu verras qu'au bout d'un jour, deux jours, une semaine, Alhamdulillah, c'est oublié. Et comme il en a, ils disent des choses. Et Wallah, il ne les pense pas. Comme les ikhwa, ils font une chose avec leur frère, et en fait, il aime son frère. Et qu'il ça arrive. Ah, là, c'est important. At-taghaful, ar-rahma, ar-rif, l'insan, il soit sahle, il soit simple et il soit facile à vivre. كذلك, et on l'a cité, laquelle on le répète en détaillant akhtar, الرفق والرحمة, la douceur et الرحمة, la miséricorde envers ton frère. قال الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. أمر من الله. Son messager sallallahu alayhi wa sallam, on est tous concernés. واخفض جناحك للمؤمنين. Ça c'est une image qui montre la modestie, la douceur avec ton frère. وقال عز وجل ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك. هكذا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ستي أرحم البشر بالبشر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى قال si tu aurais été dur, ça montre que le Nabi صلى الله عليه وسلم il était doux. C'était أفضل, c'est أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. Il a le meilleur comportement et personne n'arrivera à son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala قال ولو كنت فضا غليظ القلب, si tu aurais été dur, لم فض من حولك, il t'aurait délaissé. Sahih, les gens ne doivent pas essayer de les attirer avec la dureté, les forcer. لست عليهم بمسيطر. نحن on a qu'une chose, c'est de montrer الحجة, celui qui a du ilm, il montre. أما vouloir forcer, vouloir هذا ما ينفع, et la dureté, la dureté qui n'est pas à sa place, la yambari. Khassatan avec les ignorants. Khassatan kadhalik avec ton frère qui est sur le même tariq que toi, rubama les mêmes doros que toi, rubama la même voie que toi. Limada la dureté. Ça arrive des faiblesses. Il a une faiblesse aujourd'hui, alhamdulillah, demain il ira mieux. Et nous, quand ce frère a une faiblesse, on intervient pour l'aider. Mais cette faiblesse, ça ne nous rend pas heureux. Abadan. فليس كل خطأ. Et là, on l'a répété souvent ensemble. ليس كل خطأ أنه ça va impliquer الهدر والتبديع والتفسير وعياذا بالله plus grand التكفير. Ton frère il a fait une erreur, خلاص. أنه ça va impliquer أنه il faut faire الهجر, أنه il faut avoir un موقف. C'est pas هكذا الدين. أين النصيحة؟ أين الرحمة؟ Si ce frère tu le conseilles, il accepte. Aina al-mushkil. Et ahyanan, et ça c'est important, al-ba'd, ils lisent des livres ou ils écoutent des doros, ils ne les comprennent pas et ils les appliquent avec le frère, avec leur frère, fi ghayr mawdi'iha. Mathalan, il va lire des choses sur des mukhalafat de ahl al-bid'a min jahmiya wa rawafid wa mu'tazila wa ash'ira wa sufiya ila akhirah. Et haoula la shak, anna al-mu'min doit avoir un mawqif haoula, li'annahum ils font du mal au din et ils font du mal aux mu'minin. On met en garde contre les ilm la amri, lakin al-ba'd, ils appliquent à quoi les ulama wal adilla sur son frère limana li'annahu yukhalifuhu fi mas'ala. Hada c'est grave. Din c'est dinullah subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawm al-akhir. C'est pas moi le marji', c'est pas toi la référence. C'est pas un tel, si on n'a pas le même avis qu'un tel, khalas, on est des égarés. Min ayn hada? Ça montre un dha'f, fi din wal ilm. Et le bas, disons, hada, ils ont choisi un avis, mathalan. Ils ont choisi un avis dans le mas'ala. Son frère, il le khalaf, au lieu de prendre le temps, c'est ton frère, ya akhikel. C'est pas un innovateur, il combat pas de din. Il aime le din comme toi, peut-être plus. Il veut la vérité comme toi, peut-être plus. Au lieu de, si tu veux vraiment le haq, et c'est une mas'ala importante, tu parles avec ton frère, pourquoi il a choisi ce qawl? Et testafid min, wa yastafid min. Et à la fin, peut-être que vous allez être d'accord. Peut-être qu'un tas de preuves vont le convaincre, ou l'inverse. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord. C'est une mas'ala, ça n'implique pas al-hajj. Et c'est un qawl, mathalan, l'imam Malik, rahimahullah, il a cet avis, l'imam Shafi'i, il a un autre avis. Ou Cheikh l'Islam, il a un avis. Ibn Kathir, il a un autre avis. Ou les savants contemporains. Alhamdulillah, ton frère il a un avis, toi tu as un autre avis, aïna l'ishkal. Tant que ce n'est pas une chose qui fait sortir de sunnah, qui fait sortir de l'islam, min babi awla, aïna l'ishkal. Lakin al-ba'd, et ça revient d'aïman à l'intention, al-wa'd, ayyadan billah, ils veulent être suivis eux. Maintenant, il fait salat de telle façon, tout le monde doit faire salat de telle façon. Si quelqu'un ne fait pas salat comme lui, il peut sortir de la sunnah. Min aïna ala. Mas'ala, ça revient au ilm. Wa makhtalaftum fihi min shay. فحكمه إلى الله dans n'importe quelle mas'ala où on diverge, le hukm c'est à Allah. On revient au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas forcément raison, tu n'as pas forcément raison. Al-adab avec les frères et al-rahma. Et ta'amal, هذا الموقف de cet imam. Pour vous montrer أن السلف رحمة الله عليهم entre eux avaient une rahma ajiba. هذا الإمام إبراهيم ابن أدهم رحمه الله كان في سفر. Il est en voyage مع ثلاثة نفر avec trois frères. فدخلوا مسجدا في بعض المفاوز والبرد شديد وليس للمسجد باب. Ils sont rentrés dans un masjid et il faisait très très froid et ce masjid, il n'y avait pas de porte. Et ils étaient rentrés dans ce masjid pour passer la nuit. Donc une nuit où il fait très très froid et le masjid, il n'y a pas de porte. Quand ils se sont endormis, Ibrahim, rahmatullah alayhi, il s'est mis debout devant le bab. Ils lui ont dit, et le lendemain, لم تنم, tu n'as pas dormi. قال لا, il leur a dit لا. لماذا؟ قال خشيت أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب. J'ai eu peur, j'ai craint que si je m'endors, le froid il rentre dans le masjid et ça vous fait du mal. Enfin, il s'est mis à la place de la porte. رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. كذا ils ont avancé. لماذا؟ لأن leur حب il était في الله. Leur objectif c'était رضا الله. Pas se montrer, faire tomber un tel a'yadam billah, des groupes que le wahid veut faire du mal à l'autre. Sadisan wa akhiran, le dernier point, al-islah. Mahma fa'ala al-insan wa ajtahad wa balagha min al-ilm wa al-istiqam wa al-thabat, il est dhaif. N'importe quel effort qu'on fera, on reste des êtres humains et on n'est pas à l'abri de se tromper, d'oublier, de faire du mal, d'être injuste. On est des êtres humains. Lakin al-mu'min, quand il s'aperçoit, quand on l'informe, quand il sait qu'il a son frère, il a un problème avec un autre frère, il ne reste pas un spectateur. Al-islah. Il fait tout pour corriger. Il fait tout pour réconcilier. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Ça nous montre أن من ثمرة الأخوة في الله quand il y a un problème, الإصلاح. لماذا الإصلاح؟ Parce que c'est tes frères. Est-ce que, مثلا, tu aimerais que tes parents se séparent? N'importe quel enfant, quand ses parents ils se séparent, ça lui fait du mal. L'imad aliana, l'enfant, il aime ses parents. Est-ce que tu aimerais que ton frère il parle plus à ta soeur, ou ta soeur elle parle plus à ton frère? Eh ben, ça te fait du mal. L'imad aliana, tu les aimes. Normalement, quand on entend un frère, il a eu un problème avec un autre frère, il se parle plus, il se passe plus le salam, ça doit nous toucher. C'est ça, al-ukhuwa, al-imaniya. On doit tout faire pour les réconcilier. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. Est-ce que vous voulez que je vous informe d'une chose, d'une adoration, d'un amal, d'une œuvre, elle est meilleure que le صيام, le jeûne, la salat et la sadaqa, l'aumône, elle est donnée في سبيل الله. طبعاً, bien sûr, c'est pas les obligations, mais la salat c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. هنا المراد كما يقول أهل العلم c'est les النوافل, les salats recommandés, les siyams recommandés. فقالوا بلى يا رسول الله, ils ont dit نعم يا رسول الله, informe-nous. قال صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين, أي réconcilier entre deux mu'mins, c'est أفضل que ces نوافل. قال عليه الصلاة والسلام وفساد ذات البين الحالقة. Et dans une riwaya, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين. الحالقة c'est quelque chose qui coupe. comme se couper les cheveux, se raser les cheveux. Lakin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé, c'est pas haliqatu ash-sha'r, les cheveux, là, c'est haliqatu din, elle va couper le din, et le fait de se diviser. L'imam d'Aliana, se rassembler, c'est un des fondements de notre din. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Donc, le fait de voir de la division et se taire, c'est un grand manque. في هذه الأخوة فالسعي في الإصلاح بين إخوانك المؤمنين سن عبادة عظيمة. Donc on doit faire des efforts في هذا. Quand tu sais que ton frère il parle plus à ton autre frère, si c'est tes frères de sang ou كذلك si c'est tes frères من طلبة العلم ou tes frères au masjid ou tes voisins, l'insan il fait des efforts. لماذا؟ لأن الشيطان أحيانا il rentre entre deux frères ou entre deux sœurs. Et هذا il pense que c'est l'autre qui est fautif et l'autre il pense que c'est l'autre qui est fautif. Et حتى أحيانا واحد il veut faire le premier pas لكن il a du mal. Ça arrive, on est des êtres humains. C'est pour ça que si un troisième il vient et il est neutre et il va parler au premier, ya akhi, qu'est-ce qui se passe? Et le frère va lui dire, il m'a dit, il a fait, il a fait. Il va voir le deuxième, ya akhi, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il m'a fait. En général, tu verras que beaucoup de ces problèmes c'est des choses futiles. Souvent il va voir l'autre, il dit, c'est ton frère, il t'aime fillah. Et j'ai parlé avec lui, inshallah, il regrette. Et tu parles à l'autre et tu mas'ala, tu la rends petite, pas comme certains, ils gonflent. Et tu verras que ton frère peut-être il va te dire khalas, inshallah, naam. Tu les invites et l'autre il vient, l'autre il vient, alhamdulillah. Tu es la cause et c'est une ibad azima, afdal min as-salat wa as-siyam wa as-sadaqa. Ay an-nawafil. Wa hunak on conclut bi hadha ba'd al-umur. Tadur, certaines choses qui font beaucoup de mal à cette fraternité entre frères. هذه الأخوة. من هذه الأمور عدم الاحترام. Et ne pas respecter son frère. Imma bikalam, imma se moquer. Ah là, ça fait du mal. Ton frère, respecte-le. Il faut qu'on ait des limites entre nous. Khassatan avec les plus vieux, khassatan avec ton professeur, khassatan avec ton chir, khassatan avec tes parents, khassatan avec l'imam de la du mejid, avec les vieilles personnes, on doit avoir l'ihtiram. On ne peut pas parler à tout le monde comme on veut. قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. On fait attention. Combien de personnes, à cause d'une parole, ils se sont divisés. Combien de personnes? J'en connais, vous en connaissez. À cause d'une parole, à cause d'un comportement. On fait attention. Testez-moi avec tes frères, même s'il est plus petit que toi, même s'il a moins de connaissances que toi, même si tu étais dans le din bien avant lui. Tu le respectes, il te respecte. Et vous verrez que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, ils seront évités. Et on a fait une remarque, on a parmi les choses qui divisent beaucoup les frères, kathratul mizah, beaucoup plaisanter. Il y en a hiyalan, ça commence par une plaisanterie, thumma, ça finit par une moquerie. Et le frère, il le prend mal, et ça fait de la division. Al mizah, c'est mauvais, c'est pas haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà plaisanté, alayhi salatu wa sallam, sahaba radiyallahu anhum, ils ont déjà plaisanté. Lakin, il faut des limites. Des limites dans le comment. Ne pas mentir, c'est haram, même en plaisantant. Et notre sujet ici, ne pas se moquer du frère et appeler cela une plaisanterie. Là, il y en a le bar, ils font des plaisanteries, lakin, il n'y a qu'eux qui rient. Et l'autre, miskin, il subit. Bah, là, c'est stihza'un wa adam ihtiram. Et ça peut atteindre des péchés très très graves, comme avoir accusé son frère, menti sur lui. Il a khalifa la yamba. La yamba. La plaisanterie quand ton frère il est à l'aise et vous plaisante à deux. Alhamdulillah. Dans les limites, bien sûr, du halal. Amma, dépasser les limites, fala. Kazalik. La plaisanterie de temps en temps. Amma, da'iman, da'iman. Fala, chacun al insan, s'il plaisante beaucoup avec son frère, avec ses frères, un jour il dira quelque chose qui ne va pas. Et son frère, il se vexera et ça fait des problèmes. Al-Imam Ibn Hibban, rahmatullah alayhi, fi kitabihi Rawdat al-Uqala, nabbaha an hada. Il a fait cette remarque. Qala, wa kam min iftira bayna akhawain wa hujran bayna muta'alifain. Combien de frères ils se sont divisés? Combien de frères ils se hajrent? Même le salam, il ne se le passe plus. La cause, c'est quoi? Qala, kana awwal dhalik al-mizah. La base, c'était quoi? La plaisanterie. ثم واحد le prend mal, ثم le deuxième il s'énerve, ثم il s'énerve. Et ça commence avec une plaisanterie. ثم le premier sort des dossiers, le deuxième il sort encore plus. Et après, tu as du mal à les réconcilier. Enfin, fais attention. Elle misère de temps en temps. Et tu ne plaisantes pas avec tout le monde, n'importe quand, n'importe comment. Et le respect. L'ihtiram, c'est fondamental. Si elle mu'amala ma'a al-nas. كذلك et on en profite pour faire une remarque fil hajr. Al-hajr bi ghayri haqq. Al-hajr c'est ne plus passer salam. Éviter son frère. Ah, ça c'est pas sahl ya ikhwan. Al-hajr c'est mashrou' avec ahl al-bid'a ila akhirih sous certaines conditions comme huwa ma'loum, lakin hajr ton frère, c'est pas un mubtadi', c'est pas un kafir. Alhamdulillah il aime din, il aime l'ilm. Ça arrive des divergences comme on l'a expliqué, ça arrive des faiblesses, peut-être qu'il a fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Mais le hajr c'est khatir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la taqata' wa la tadabar wa la tahasad wa kunu 'ibadallah ikhwan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit la taqata'. Taqata' c'est se diviser. C'est le hajr. Wa kunu 'ibadallah ikhwan. Atahammal. Patiente sur ton frère. Si on ne patiente pas les uns sur les autres, qui c'est qui va patienter sur nous? Comme on a répété, les ennemis de l'islam, ceux qui détestent din wa sunnah. Ba'd an-nas kama ta'lamoun, pour dunya, ils patientent beaucoup. Prends l'exemple dans les entreprises, il a appelé rubbana hadha yat'an fi hadha wa hadha, ils détestent hadha. Ba'dhum ils détestent leur patron, ils détestent leur responsable, mais vu qu'il y a une maslaha, vu qu'il y a un profit de l'argent, une place, ils espéreront ba'dhum 'ala ba'd. Et wallah kathir minhum ils se détestent. Nous on est des frères, on s'aime billah, parce que s'il arrive quelque chose, alhamdoulilah. Et on tourne la page. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit. وتأملوا هذا الحديث. هذا الحديث حقيقة c'est une رحمة pour les mu'minis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas interdit mutlaqan, là, au-dessus de 3 jours. Limada, il y en a, on est des êtres humains. Ça peut arriver l'un dans l'assise, après l'assise, on parle et l'akhir, il arrive quelque chose, et wahid il s'énerve et il part. Et c'est normal al-hajr. Il part, on dit salam, le deuxième jour on se croise, 3 jours. Limada, il y en a, on est des êtres humains. Lakin, au-dessus de 3 jours, khalas. Limada, il y en a, après les 3 jours, l'insan, yabrod, et. Et il se calme et tu peux lui parler, alhamdoulilah, ça arrive, ça nous montre, ça arrive, ça peut arriver un problème un jour, deux jours, lakin pas au-dessus de 3 jours, c'est haram. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui passe le salam le premier. Ça nous montre, on ne doit pas attendre les autres. Matalana hiyalan, ça arrive un problème, et un jour, deux jours, je ne parle pas à un tel ou un tel, il ne me parle pas. Ce hadith, il nous montre, on ne doit pas faire comme Shaytan il veut. Shaytan ce qu'il veut c'est diviser. Séparer l'homme de sa femme, séparer le frère de son frère, le père de son fils, c'est ce qu'il veut Shaytan. وَيَسْعَى بِهَذَا الْخَبِيلِ لَيْلًا وَنَهَارًا. Et مِنْ أَسَّلِيبِهِ comme on a cité, quand tu arrives à un problème, un âge attend et un t'attend. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle خَيْرُهُمَا مَنْ يَبْدَى بِالسَّلَامِ. Le mieux c'est celui qui fait le premier pas. Fais le premier pas. Ça montre الحقيقة قوة وتواضع. Ça montre كذلك أن سَتْ نِعْمَةَ الْأُخُوَةِ celui qui commence il veut la préserver. فَالْحَذَرْ كَذَلِكْ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا. On a cité l'exemple de l'misère, ça divise, des plaisanteries, beaucoup parler إلى آخره, beaucoup كذلك, beaucoup se fréquenter. بعض الإخوان ليل ونهار ils sont ensemble, حتى ça fait des problèmes à force. Là, des coupures de temps en temps, tu verras que 6 à 6, tu auras du goût. Amma nuit et jour, ma'al-a. Et les plaisanteries avec, en plus, là, chacun de shaitan, il trouvera une faille. Voilà, bud. Kadalik, parmi les choses qui divisent et qui font du mal à cette fraternité, al-mal. L'argent ou l'tonia. L'argent, ça divise beaucoup. On fait attention. On fait attention et on n'oublie pas, Anna. Cette fraternité avec هذا الاخ والله c'est mieux que الدنيا وما فيها. لماذا لان الناس ينقص pour le jannah. Et al jannah فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Dans le Jannah, il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues, qu'on ne peut même pas imaginer. Donc ce n'est pas cette dunya qui va disparaître. Donc on fait attention. On fait attention à la dunya. Fitna de dunya. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس. هذه الأخوة ça va impliquer des choses, des fruits qu'on a cités, des حقوق pour ce frère musulman. Parmi ces حقوق رد السلام قال عليه الصلاة والسلام répondre au salam. وهذا تقدم معنا في الهجر. وعيادة المريض c'est ton frère il est malade, lui rendre visite. C'est un حق qu'il a sur nous. قال واتباع الجنائز اي si ce frère il meurt il a حق sur nous اي cette dernière étape في الدنيا avant la tombe on doit suivre bien sûr celui qui a la capacité قال واجابة الدعوة si ton frère il t'invite tu dois répondre الحقيقة هذا ça montre la fraternité imagine أنت un frère il nous invite et personne n'y va qu'est-ce qu'il va dire ce frère qu'est-ce qu'il va dire il va penser qu'il n'a pas de valeur il a les shaitan ils rentrent Enfin, si ce frère il nous invite, on répond. Bien sûr, tout cela, c'est selon la capacité, il a appris. Wa tashmit ou la hafiz. Et quand il éternue et il dit Alhamdulillah, on dit Rahmukullah. Al-Hadith, fi sahihayn. Ala kulli hal, on a voulu se rappeler hadha al-bab al-azim, al-ukhuwa. Et vu que certains frères ils sont venus en visite indana, jazahum Allahu khayran. On a profité pour faire هذه النصيحة pour eux, pour nous et pour السامعين. Et تنبيه آخر et on conclut بهذا إن شاء الله أن لا يفهم من هذه الأدلة ومن كلام أهل العلم qu'on a cité في أهمية الأخوة والمحبة بالله إلى آخره أن الإنسان المؤمن يخالط من هب ودب Ah non, on se mélange avec tout le monde, on aime tout le monde. Là, le din il est fondé sur al-mahabba et كذلك il est fondé sur al-adawa, al-bughd. قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Enfin, tout ce qu'on a cité aujourd'hui, c'est al-hub في الله avec ton frère musulman il a akhiré. Et inshallah, si on peut un jour, on fera la deuxième partie al-bughd في الله. Détester Billah, détester le kafara, détester Ahl al-Bida, détester Al-Fussak par rapport à leur ma'asi. Et celui qui ne veut pas écouter Al-Ma'asiya, par rapport à Al-Mukhalafa, pas pour nous, pas des choses personnelles, là, pour Din, Lillah, Azza wa Jal. Awthaq ur al-Iman, la foi la plus forte, Al-Hubbu Billah, aimer Billah et détester Billah. On a fait ce tambi, il y a un wa'ad al-Dullal. Ils appellent beaucoup à aimer fillah, le bon comportement, la tolérance. Et ils ont fait rentrer hatta al-yahoud wal-nasara wal-rawatid et jami' ahl-dhalal. Et ils prétendent la tolérance, il faut être doux, abadan. Ça contredit les fondements de notre din. On aime fillah et on déteste fillah. Lakin hatta ce qu'on déteste fillah, ça implique pas d'avoir un mauvais comportement là. On les déteste fillah, aqidah. Lakin si on espère annahum ils écoutent, enfin un bon comportement... et de la douceur il a hatta ils acceptent amma al mahabba fa elle est que pour al mu'minin Sufyan al Thawri rahimahullah قال اذا احب الرجل الرجل في الله ثم احدث حدثا فلم يبغضه بالله او عليه فلم يحبه بالله تاملوا هذا الكلام اي si tu aimes quelqu'un et tu prétends que c'est billah ثم Ce frère, ahdatha hadathan. Imma yadam billah, c'est devenu un mubtadi, un shi'i, un rafidi, un jahmi, un khariji, yadam billah. Ou akthar min dhalik, il sort de l'islam. Et on ne le déteste pas. Fil haqiqa, on ne l'a pas aimé, billah. On l'a aimé pour nous. Et vu qu'on l'aime pour nous, qu'il soit à la sunna, à la bid'a, à l'islam, à l'al-kufr, ça ne change rien. Et ça, c'est grave. Et si on l'aime, billah, on l'aime tant qu'il est à l'istiqam. Amma si combat l'islam, il sort de l'islam, iyadam billah, il combat sunnah, il sort de la sunnah, on le déteste fillah. On passe de aimer fillah à détester fillah, comme a jaa fil hadith. Ala kulli hal, on fait attention à hadha al-bab. Et tout ça kadalik nastafid anna, on essaye de faire des efforts pour choisir des fréquentations qui sont ala thabat. Limadha li anna, si tu choisis tes fréquentations par rapport à ces points, Inch'Allah, si tu te trompes, ton frère il va t'aider. Si tu te trompes, il va te conseiller. Si tu as glissé, il va te relever. Amma, fréquenter des gens, la yakhafoun Allah, ils n'ont pas de limite, ils ont un mauvais comportement, bah, ça fait beaucoup de mal aux mu'min. Wal mar'u ala din khalilihi kama qala alayhi salatu wassalam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana ala al-haq hatta nalqah wa an yaj'alana min al-mutahabbina fihi. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نحتفي بهذا. Et aujourd'hui c'est exceptionnel pour les frères qui sont venus nous rendre visite. وإلا فنتر الدرس يرحم demain إن شاء الله après العصر 17h. حياكم الله. تفضلوا les frères, خاصة les nouveaux, si vous avez quelque chose, تفضلوا. Vous partez demain. Passez le salam aux frères.